pas complètement fou? C'est dingue. Depuis que j'ai gagné au jeu complètement fou, toutes mes copines veulent jouer. Dites-leur de se dépêcher, Michel. Elles n'ont que jusqu'au 18 novembre pour tenter de gagner l'un des bons d'achat ou l'une des cartes cadeaux en achetant les marques partenaires. Au total, 2 millions d'euros sont mis en jeu. Vous avez raison, faut pas traîner. Allez les filles, on file chez Carrefour Market. C'est le mois Carrefour Market. Montant total mis en jeu sur l'ensemble des magasins participants au niveau national. Bon d'achat de 2, 5 et 10 euros et carte cadeau de 50 et 100 euros. Jeu soumis à condition d'achat. Voir règlement du jeu en magasin ou sur carrefour.fr. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avant de partir pour la Russie, Franck Ferrand voulait nous dire un mot de l'exposition Le Nôtre qui ouvre ses portes aujourd'hui au château de Versailles. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Cette exposition, disons-le, c'est le clou, ou si vous préférez, le bouquet final de l'année Le Nôtre. Grâce à une quantité de documents et d'objets qui sont brillamment mis en scène, et puis grâce à l'audiovisuel, vous savez, c'est comme ça maintenant les expos, on y retrouve non seulement le jardinier, le paysagiste et l'urbaniste qu'on connaît, avec pas mal de dessins inédits d'ailleurs, mais aussi, et c'est ce qu'il y a de si neuf, l'ami du roi, le contrôleur général, le grand collectionneur surtout, puisque les chefs-d'œuvre de la collection d'André Le Nôtre, les grands objets d'art, sont exposés. André Le Nôtre en perspective, c'est donc à partir d'aujourd'hui au château de Versailles. De notre côté, nous allons plonger au cœur de l'histoire de la Russie des tsars et des palais de Saint-Pétersbourg. Et oui, si je vous dis donc le lac des Cygnes, Casse-Noisette ou la Belle au bois dormant sont les trois ballets, ce qu'il y a de plus célèbre dans l'œuvre de Tchaïkovski, évidemment. Vous allez me dire que ce grand compositeur russe est un classique, voire un occidental. Nous allons voir ce qu'il faut en penser en compagnie d'Alain Duhaut. Et pour commencer, nous allons tenter d'élucider un premier mystère, celui de sa mort. Et vous répondrez tout à l'heure à une question posée par Lucille via le site internet d'Europe 1. Oui, Lucille voudrait connaître les raisons du choix de la croix comme symbole du christianisme et plus précisément les circonstances de ce choix. Eh bien, nous allons évidemment éclairer sa lanterne. Réponse donc à la fin de l'émission. Pour le moment, direction Saint-Pétersbourg, où nous attend au bord du canal de la Fontanka l'un des plus grands musiciens de tous les temps. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il est l'auteur de 10 opéras, 6 symphonies, 4 suites pour orchestre, divers poèmes symphoniques et des fantaisies ouvertures, et 3 quatuors à cordes, un trio pour piano, un sextuor à cordes, 106 mélodies, une centaine de pièces pour piano, bien entendu les 3 ballets que nous avons cités pour ouvrir cette émission, et puis 5 concertos dont le premier vous rappellera forcément quelque chose. Concerto numéro 1 pour violon et orchestre de Tchaïkovski. Bien entendu, si vous avez vu le film Le Concert, ça vous rappelle quelque chose. C'est une musique on ne peut plus inspirer. Alors, ce Piotr Ilitch Tchaïkovski est né en 1840. Il est mort subitement à 53 ans en 1893, alors qu'il était à Saint-Pétersbourg pour les répétitions de la 6e symphonie, la célèbre symphonie pathétique. De quoi est-il mort ? Du choléra, répondent succinctement les dictionnaires. Il aurait bu de l'eau non stérilisée provenant directement de la Neva. La Neva, c'est ce fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg. Ça, c'est ce que précisent les encyclopédies. Oh, c'est un peu plus compliqué que cela, disent les initiés. La vérité, c'est que la mort de Tchaïkovski est tout à fait mystérieuse. Alain Duhaut dans Le Figaro parlait d'une ténébreuse affaire au cœur de l'histoire de la musique russe. Il y a pas mal d'interrogations sur le sujet. Alors une thèse a circulé et c'est la thèse du suicide. Un tribunal d'honneur aurait pu contraindre Tchaïkovski au suicide. Pour tout vous dire, lorsque j'ai découvert moi-même Saint-Pétersbourg, il y a une grosse quinzaine d'années, c'était avec dans mes bagages un passionnant roman de Dominique Fernandez qui à l'époque venait de paraître et qui justement s'appelle « Tribunal d'honneur », c'est chez Grasset. On y trouvait des confidences sur Tchaïkovski. Alors c'est extrêmement bien fait, hein, puisqu'on se promène, si je puis dire, on va d'un bureau à l'autre, on rencontre les différents membres de ce qui est supposé composer le fameux tribunal d'honneur chargé de juger ce qui est une affaire de mœurs. Et parmi les confidences qui sont faites au narrateur, il y a celle d'Anatole Kremski, qui était le directeur des théâtres impériaux. Alors c'est sous la plume de Dominique Fernandez, puisqu'on est dans un roman, mais un roman extrêmement documenté. Quoi ? Est censé dire Kremski au narrateur. Mais tu ignores de qui l'on parle ? Mais d'où sors-tu ? Quelle province ? Que Moscou ? D'après lui, dans les milieux littéraires et artistiques, tout le monde était au courant. Même dans l'entourage d'Alexandre III, on ne se faisait plus d'illusions. Il avait fallu un élément nouveau pour que le tsar ou quelqu'un du palais se mit en tête d'inculper Tchaïkovski. Tchaïkovski ? Fis-je abasourdi. Piotr Ilitch, mon vieil ami. « C'est impossible, Anatole, nous ne parlons pas du même homme. Tu voulais savoir le nom du suspect dénoncé pour attentat aux mœurs, oui, et que le palais veut faire juger par ses anciens condisciples. Ça ne peut pas être Tchaïkovski, et pourquoi, s'il te plaît ?»« Un grief de ce genre contre Tchaïkovski. Allons, remets-toi, mon vieux, c'est comme cela. Mais ma fille chante ses romances, ma femme l'accompagne au piano. » Il s'esclaffa de nouveau. Quel gâchis, dis-je, mais rien de ce que tu me racontes n'autorise à accuser Tchaïkovski du crime pour lequel on instruit son procès. Beaucoup de mariages échouent par pure incompatibilité de caractère. Cette Antonina n'était pas la femme qu'il lui fallait, voilà tout. Il me regarda d'un œil si moqueur que je me demandais quelle nouvelle bourde m'avait échappé. La femme qu'il lui fallait, mon cher, et qui lui suffisait amplement, c'était son valet de chambre. Son valet de chambre, Alexis Sofronov. Depuis que jeune garçon il est entré à son service, il ne lui refuse aucune de ces complaisances nécessaires à un homme qui n'a pas fait vœu de chasteté. Bien qu'ils se soient ensuite mariés, leurs relations n'ont pas cessé complètement. Piotr Ilitch, son propre domestique, balbutiai-je. Il n'est pas permis d'être aussi moscovite que cela, conclut Anatole. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et avec vous, Franck Ferrand, on continue à s'interroger sur la mystérieuse mort de Tchaïkovski. Eh oui, vous savez que donc la version officielle voudrait que Tchaïkovski soit mort du choléra. Il aurait bu par inadvertance un verre d'eau non stérilisée en provenance directe de la Neva. On était en pleine épidémie de choléra à l'époque. Cinq jours avant sa mort, le 21 octobre, hein, donc on est là dans notre calendrier julien, c'est-à-dire chez les Russes, le 2 novembre 1893, Tchaïkovski aurait bu ce verre d'eau contaminée en quelque sorte. Voici ce que dit Vladimir Volkov, qui était donc l'arrière-petit-neveu de Tchaïkovski. Tchaïkovski, contrairement à son habitude, ne parut pas à la table du petit déjeuner. Son frère alla le voir dans sa chambre et le trouva légèrement indisposé. Il se plaignait d'une indigestion, en dérangement et d'une mauvaise nuit. Vers 11h du matin, il s'habilla et sortit pour aller voir Napravnik, donc le compositeur tchèque. Une demi-heure plus tard, il revint. Se sentant toujours mal en point, il refusa absolument d'envoyer chercher un médecin. Tchaïkovski rejoignit son frère et son neveu pour déjeuner, mais il ne mangea rien. Cependant, ce fut probablement alors qu'il commit l'erreur qui devait rendre son indisposition fatale, car tout en parlant, il se versa un verre d'eau et en but une longue gorgée. L'eau n'avait pas été bouillie et l'on fut consterné de son imprudence, mais lui ne s'alarma pas le moins du monde et essaya de calmer les craintes de son compagnon. Il craignait le choléra moins que toute autre maladie. On a bien noté que Tchaïkovski ne veut pas appeler son médecin. Bon, il attribue peut-être son mal-être, son indisposition à une ingurgitation plus tôt dans la journée d'une dose de uniadi, c'est-à-dire une eau purgative. Le domestique de son frère, qui s'appelle Nazar, est là et il s'occupe de lui et il constate que l'état de Tchaïkovski empire. Il est véritablement très faible, il se plaint de douleurs à la poitrine et à plusieurs reprises, il va dire « je crois que c'est la mort ». Je ne dis pas que Tchaïkovski appelle la mort, mais enfin il y a quand même dans son attitude quelque chose d'assez troublant. On dirait qu'il est dès le début tout à fait résigné. Le soir même, deux des meilleurs médecins de Saint-Pétersbourg sont là pour une consultation. Ils s'appellent les frères Bertenson. Et ce sont eux qui vont conclure au choléra. Le lendemain, le malade se porte vraiment mal. Il a des douleurs qui sont assez violentes. Mais entre deux douleurs, il trouve le moyen de plaisanter. « Laissez-moi, vous ne pouvez plus rien, je ne guérirai jamais », aurait-il dit à ses médecins. On est donc là, on va prendre notre calendrier, hein, on est là le 23 octobre. Les symptômes les plus dangereux vont apparaître dans la nuit. Son sommeil est extrêmement agité. Il est en proie à des délires de plus en plus marqués. On constate aussi un dysfonctionnement des reins. Quand je dis qu'il est en proie à des délires, ça va assez loin. Par exemple, lorsque son domestique entre dans la chambre, lorsqu'Alexis, qui est revenu exprès de la maison de campagne, entre dans la chambre, il ne le reconnaît même pas. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, Tchaïkovski est entré dans une forme d'agonie. Son frère demande au prêtre de la cathédrale Saint-Isaac de venir auprès de lui. Il est totalement inconscient à ce moment-là. Le prêtre, on peut dire, arrive trop tard, ce qui fait qu'il n'y aura pas de sacrement. On prie au chevet de Tchaïkovski et le 25 octobre, à 3h du matin, je cite son biographe, Tchaïkovski expira en présence de ses frères Nicolas et Modeste, de ses cousins Litke et Buxedven, de Vladimir Davidoï, de trois médecins et de son fidèle serviteur Alexis Sofronov. Au dernier moment, c'est celui dont on parlait dans l'extrait tout à l'heure de Tribunal d'honneur de Fernandez. Au dernier moment, une indescriptible expression d'apaisement illumina son visage et cette clarté ne disparut qu'avec son dernier soupir. Cette version s'appuie directement sur le récit que le frère du compositeur, Modeste, a fait des dernières heures du grand compositeur. Le journal Le Messager, journal gouvernemental, hein, le journal du 26 octobre, donc le lendemain, dans sa rubrique nécrologique, parle évidemment de la mort du premier compositeur de Russie et il l'attribue directement à un choléra inattendu et soudain. Il faut dire que 39 ans plus tôt, la mère de Tchaïkovski avait déjà été frappée par le choléra. Est-ce qu'il s'agit en quelque sorte d'un coup du destin ? Pour tout vous dire, et vous l'aurez compris, un doute très sérieux pèse sur cette version officielle. D'abord, cette version, disons-le, est fragilisée par un certain nombre de points. Lorsqu'on lit les témoignages des proches, on se rend compte qu'il y a une grande confusion. En 1893, la maladie, le choléra, s'étendait certes aux couches populaires, mais il n'y a pas d'études historiques et médicales sérieuses sur son développement exact à l'intérieur de Saint-Pétersbourg. On prenait évidemment des mesures de précaution sanitaire, on évitait de boire n'importe quelle eau comme elle se présentait, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Le choléra, ne l'oublions pas, est une maladie extrêmement contagieuse. Au XIXe siècle, en cas de maladie, la maison du malade est immédiatement mise en quarantaine, sa literie est entièrement brûlée. On ne peut pas dire que toutes ces précautions-là aient été prises au moment de la mort de Tchaïkovski. Son corps a été exposé dans un cercueil ouvert au centre de l'église. Au moment de sa mort, 16 personnes étaient à son chevet, comme s'il n'y avait pas de risque de contamination. Et pourtant, tous ceux qui nous disent que Tchaïkovski est bien mort du choléra expliquent que Tchaïkovski, en quelque sorte, que personne n'a contesté à l'époque la cause de la mort, comme si les doutes étaient venus seulement beaucoup plus tard. Le moins qu'on puisse dire, c'est que néanmoins, un silence étrange a entouré ce décès. Voici ce que une historienne qui vient de publier un ouvrage s'appelle Les dernières années de Tchaïkovski, elle s'appelle Laurence Catino-Cross, voici ce qu'elle écrit. Comment imaginer qu'il aurait commis l'imprudence de boire un verre d'eau qui n'aurait pas été préalablement bouilli? C'est vrai qu'encore une fois, à l'époque, tout le monde était conscient de l'existence, en tout cas dans les quartiers populaires, de cette épidémie. C'est oublié, dit-elle un peu vite, que sa mère était morte de ce fléau et qu'il était profondément marqué par ses souffrances. Depuis toujours, il prenait toutes les précautions pour ne pas contracter à son tour la redoutable maladie. Alors, si Tchaïkovski a bu de l'eau contaminée, c'est peut-être parce qu'il l'a bu délibérément. Et c'est là que nous entrons dans une première hypothèse qui serait celle d'un suicide par auto-empoisonnement. Il aurait certes bu de l'eau infestée par le virus du choléra, mais en l'occurrence, il l'aurait fait volontairement. Ce n'est que la première des hypothèses. C'est le final de la 6e symphonie, la pathétique de Tchaïkovski. Nous parlons de Tchaïkovski cet après-midi sur Europe 1, l'occasion de vous rappeler que le spectacle Swan Lake, spectacle Europe 1, qui revisite le mythique Lac des Cygnes dans une création chorégraphique de Frédéric Rinman, est au Casino de Paris jusqu'au 27 octobre. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et on vous retrouve, Franck Ferrand, pour tenter de percer le mystère de la mort de Tchaïkovski. Oui, alors on a entendu quelques accents de cette symphonie pathétique écrite 9 jours, enfin terminée 9 jours avant la mort du compositeur. Comment comprendre, se demande Violaine Anger, qui est professeure au Conservatoire National de Musique, comment comprendre qu'un même homme puisse composer simultanément un ballet heureux et une symphonie pathétique, sauf à prendre en compte l'ensemble de son œuvre. Tchaïkovski a dit lui-même dans une lettre de 1878 à sa protectrice, à la baronne von Meck, « Les sentiments tristes, de même que les sentiments joyeux, sont toujours exprimés, pour ainsi dire, rétrospectivement, sans avoir de cause particulière pour être heureux. Je puis m'imprégner d'un sentiment créatif joyeux, ou au contraire, créer au milieu d'une ambiance joyeuse une œuvre empreinte des sentiments les plus sombres et les plus désespérés. S'il y a un lien entre la 6e symphonie et la mort du compositeur, nous dit la biographe, c'est à un niveau beaucoup plus profond, inconscient, très difficile à appréhender. » Alors, Tchaïkovski, c'est un fait, aujourd'hui ça n'est plus du tout mis en doute, Tchaïkovski était homosexuel dans un pays, la Russie, où vous savez que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas du tout bien considéré, c'était un crime d'ailleurs jusqu'à ces dernières années, hein, jusqu'en 1993, et ça a été considéré même, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale jusqu'en 1999. On sait que Tchaïkovski, et alors je ne vous dis pas ce qu'il en était, sous le règne de Nicolas Ier, d'Alexandre II et d'Alexandre III. C'était évidemment considéré comme c'était le plus important des tabous. Or, Tchaïkovski, tôt, est attiré par les hommes. On sait que son condisciple à l'école de droit, le poète Alexei Apoutkin, a été probablement son premier amour. Et dans son journal intime, il évoque ses envies. Aujourd'hui, dit-il, Z m'a tourmenté avec une exceptionnelle ardeur. Mon Dieu, comme je souffre. Pas tant du sentiment de Z, mais du fait de savoir que je porte cela en moi. Il l'a vécu toute sa vie comme quelque chose d'extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il a essayé de s'en confier, notamment à son frère Modeste, qui lui-même avait des pulsions homosexuelles. Et il dit à son frère qu'il est amoureux du jeune Alexis Sofronov, donc celui dont parlait Fernandez tout à l'heure, celui qui a été son principal compagnon et son valet de chambre. Sur son lit de mort, il parle de son petit Bobby chéri vers qui vont toutes mes pensées. En fait, c'est un neveu là dont il parle, Bob Davidoff, qui sera du reste son héritier. Les pulsions de Tchaïkovski sont évidentes, mais elles ont longtemps été tues, et elles l'ont été y compris dans les biographies les plus officielles. Dans le rap de Ganymède, Dominique Fernandez écrit « Tchaïkovski vivait dans un pays où pas moins autrefois qu'aujourd'hui, on ne transige avec l'orthodoxie des mœurs ». Alors, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, il y a eu un certain nombre de fausses pistes, si je puis dire. D'abord, Tchaïkovski s'est marié à Antonina Ivanovna Miliukova, nous en avons parlé tout à l'heure. C'est un mariage qui a été véritablement épouvantable, puisqu'il s'est très vite lassé de sa femme, qu'il a éprouvé assez vite pour elle un sentiment de répulsion, avec une tentative de suicide en plongeant dans la Neva, tout de même. Il ne la reverra d'ailleurs pas, cette femme. Un film a été fait, Music Lovers a été fait à ce sujet dans les années 70. Et puis, on parle toujours évidemment de cette grande amitié si particulière avec Nadejda von Meck, mais qui est une amitié épistolaire et qui est en quelque sorte, on est là dans le domaine du mécénat, plus que des amours, ou alors des amours purement des amours de tête. En tout cas, du point de vue de Tchaïkovski, il n'y a aucune. Tout est clair dans son esprit. Il n'y a aucune ambiguïté avec Madame von Meck. La théorie du suicide, elle a été présentée par la musicologue russe Alexandra Orlova. C'était en 1979. Elle explique qu'en 1893, Tchaïkovski est en pleine gloire, qu'il s'affiche avec des jeunes hommes, et notamment avec le peu discret Victor Stenbock Fermor, qui est un officier de 17 ans. Le maréchal du palais et l'oncle de cet officier va dénoncer le compositeur. Vous imaginez le scandale à la cour. Et c'est là qu'aurait été créé un tribunal d'honneur, constitué de 6 anciens élèves qui étaient des condisciples de Tchaïkovski et qui l'auraient en quelque sorte condamné à se suicider. On est dans une affaire qui fait penser exactement à la Grèce antique. Là, hein. Il a été condamné non pas à boire la ciguë, mais dit-on, un flacon d'arsenic, en l'occurrence, qui lui aurait été procuré par Auguste Gerck. Est-ce que Tchaïkovski s'est suicidé, si je puis dire, en buvant de l'eau infesté par le choléra? Ça paraît extrêmement peu probable, surtout qu'il savait exactement ce que c'était que cette maladie du choléra, puisqu'encore une fois, sa mère en était morte. Est-ce qu'il s'est tué en buvant un flacon d'arsenic et qu'on a camouflé ça, qu'on l'a fait passer sur l'épidémie de choléra? Ça paraît nettement plus probable. Le mystère reste actuellement entier, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la version officielle n'est plus du tout aujourd'hui considérée comme valide. Bonjour Alain Duhaut. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, on va revenir évidemment sur cette mort de Tchaïkovski, mais aussi et surtout sur sa vie, sur son œuvre, sur sa formidable créativité. Et oui, parce que avant d'arriver à cette mort que vous avez tout à fait bien décrite, et effectivement, je pense que s'il n'y a pas de preuves, comme vous l'avez dit, il y a un faisceau de présomptions, et la thèse d'Alexandra Orlova est aujourd'hui, parmi tous les musicologues et historiens, hein, tout à fait admise, le suicide à l'arsenic, suicide dû à un tribunal d'honneur. Il reste heureusement toute sa musique. Voilà, et cette musique, nous y venons en votre compagnie, Alain Duhaut, dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Tchaïkovski cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Alain Duhaut, écrivain, musicologue, animateur de télévision et de radio, auteur notamment du Dictionnaire amoureux de l'opéra aux éditions Plon. Oui, tout le monde connaît Alain Duhaut. Il est celui qui fait aimer la musique classique aux Français et souvent redécouvrir d'ailleurs. Il y a beaucoup dans l'œuvre de Tchaïkovski, il y a beaucoup de morceaux d'ailleurs méconnus et qui mériteraient d'être retrouvés. Parce qu'on... Vous avez cité en ouverture le nombre assez impressionnant d'œuvres qu'il a composées et on a tendance de temps en temps à n'écouter que évidemment toujours que les ballets. Hein, oui, c'est vrai, les ballets et la sixième symphonie, mais dans les symphonies il y a des choses passionnantes bien évidemment, et dans la musique de chambre, son trio pour piano, violon et violoncelle qu'il a composé après le choc de la mort de son ami Nikolaï Rubinstein, qu'il a sous-titré « Trio à la mémoire d'un grand artiste », c'est par exemple un chef-d'œuvre absolu. Et c'est pas sans rapport avec la mort, parce que en fait, la vie de Tchaïkovski, elle est en permanence liée, faufilée par la mort. Il a cette obsession qui est l'obsession romantique évidente. C'est le grand nom du romantisme slave, et évidemment, il vit avec cela. Oui. Alors, nous allons voir justement ce qu'il en est de l'inspiration de Tchaïkovski. Un dernier mot pour conclure le chapitre de cette mort. On peut dire aujourd'hui qu'on sait qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas mort accidentellement du choléra, qu'il est extrêmement probable qu'il n'est pas mort non plus du choléra du tout, c'est-à-dire que même volontairement, il n'aurait pas, ça aurait été une façon particulièrement cruelle et idiote de se suicider. Il y aurait eu deux raisons qui faisaient qu'il ne l'aurait pas fait. D'abord, vous l'avez rappelé, la mort de sa mère, 39 ans plus tôt. Ça a été pour lui un choc énorme. Et d'autre part, les mémoires de Rimsky-Korsakov ont été les premières à lever le lièvre, puisque Rimsky-Korsakov s'étonne qu'il y avait tant de gens autour de son lit quand il venait de mourir. On sait qu'il y avait vraiment une stricte mise en quarantaine parce que c'était effectivement très très contagieux, le choléra. Donc on sait qu'il n'est pas mort du choléra. Et s'il n'est pas mort du choléra, Les symptômes étaient bien ceux d'un empoisonnement. Empoisonnement à l'arsenic. Et ça justifie aussi cette espèce de résignation qui est décrite par plusieurs observateurs de l'époque. Oui, il y a quelque chose d'intensément tragique, d'ailleurs, dans ces mots très retenus, pleins d'une résignation totale de Tchaïkovski. Mais d'une certaine manière, c'est une mort qui correspond à ce qu'a été sa vie. Et voilà. Et ce qu'a été sa vie, et ce qu'a été son œuvre. Je dis bien sa vie et son œuvre, car elles sont étroitement liées. Et il faut rappeler, il est le fils d'un ingénieur des mines, et surtout d'une femme d'origine française, d'ailleurs Alexandra Dacier, avec laquelle il entretient une relation filiale tout à fait étonnante. Il parle sans cesse de la beauté de sa mère, de la beauté de ses mains. Et cette relation-là, elle est presque une relation morbide, car elle éloigne tous les autres. Et on a d'ailleurs des tas de témoignages, dont un témoignage tout à fait formidable, celui de Fanny Durbach. Fanny Durbach, c'était sa gouvernante suisse qui l'a suivie à partir de l'âge de 4 ans et qui a laissé un livre de témoignages où il y a toute une série d'observations. Elle le décrit comme une petite chose très fragile. Hein. Il était très couvé. Elle dit une très jolie phrase. C'était un enfant de verre. Voilà. Merveilleuse expression. Ouais. Et ça, au fond, ça donne toute la mesure de la névrose, car il y a en permanence chez Tchaïkovski une névrose. Elle cite d'ailleurs une histoire tout à fait étonnante. Quand il avait 7 ans, un jour, ses parents donnent une réception, il y a de la musique, et on l'envoie se coucher, et puis la réception se termine, Fanny Durbach va voir dans sa chambre s'il dort, et il est là, assis sur son lit, pleurant à chaudes larmes, se bouchant les oreilles et disant « Mais cette musique, je ne la supporte plus, elle rentre à l'intérieur de moi. » La musique avait disparu déjà depuis de nombreuses minutes. Donc on voit cette névrose qui entre à l'intérieur de lui et qui ne va pas le quitter. Et qui va faire de lui un personnage toujours en demi-teinte. Il est très timide finalement. Oui. C'est un personnage peu affirmé. Il est tellement timide qu'il essaye, pour contrer sa timidité, quand il est adolescent, de faire du théâtre. Et il va jouer le contraire de ce qu'il est. C'est-à-dire, il va jouer des personnages grotesques. Et un jour, il joue justement un personnage grotesque qui fait des plaisanteries un peu lourdes. Et puis il y a quelqu'un qui s'approche de lui et qui lui dit « Mais vous n'avez pas honte ?» Et alors il s'enfuit dans les coulisses, il pleure à chaudes larmes et jamais plus il ne fera de théâtre. Parce que il a toujours, vous savez, il dit par exemple quand il entre dans un compartiment de chemin de fer, il y a le sentiment que tout le monde le hait et que on va le rejeter. Pas très loin d'une forme presque de paranoïa en fait. Paranoïa, hein. Bien sûr, oui, tout à fait. Il se sent agressé par le monde et par les gens. Oui. Et il se sent agressé par le monde, mais aussi parce qu'il y a des choses qui vont contribuer à cette douleur. Le tribunal de famille décide de l'envoyer faire son droit à Saint-Pétersbourg. Et sa mère l'accompagne à Saint-Pétersbourg. Quand elle le quitte, il s'accroche à la diligence, il est traîné par la diligence, il est dans une douleur totale. Néanmoins, finalement, il est pris en charge par un oncle ami, Modeste Alexeïevitch Vatkar, et il va arriver une chose tout à fait extraordinaire. Dans l'école où il y a une épidémie de scarlatine. Quand il y a une épidémie de scarlatine, on garde les enfants en quarantaine. Mais le modeste Alexeïevitch a pitié du jeune Piotr Ilitch Tchaïkovski et il le fait revenir chez lui. Et il a contracté le virus de la scarlatine qu'il n'a pas lui, mais qu'il donne au propre fils de Modeste Alexeïevitch, qui a 5 ans et qui en meurt. Oh là là, et à ce moment-là, Piotr Ilitch s'accuse, il dit « Je suis un criminel ». Et il a encore une fois la mort qui lui pèse sur lui. Vous savez, tout au long de sa vie, la mort et la morbidité qu'on entend dans sa musique l'ont accompagné, et il nomme cela d'un mot qui revient en permanence dans sa correspondance, le fatum, le destin. Oui, ça, il appelle d'ailleurs un le destin antique. Hein. Le destin qui lui pèse sur les épaules et qui le conduit en fait vers quelque chose qui sera fatal, qui sera irrémédiable. On a presque l'impression que tout ça n'est qu'une espèce de marche au supplice. Oui, finalement, il y a quelque chose comme une... Je parlais de tragique, il y a vraiment quelque chose de tragique. Évidemment, illuminé de toutes sortes de créations qui, elles, peuvent être parfois très joyeuses. C'est pour ça que vous citiez tout à l'heure cette professeure du conservatoire qui dit « La logique de la musique n'est pas forcément une logique autobiographique au moment même, mais il y a cette logique tragique que vous décrivez et qui fait que il ne pouvait terminer que par cette symphonie pathétique. » Et dont le dernier mouvement, qui a beaucoup surpris à l'époque, est un adagio lamentoso, ça veut dire quelque chose de très lent, comme s'il tirait son linceul sur lui-même. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et vous avez bien évidemment reconnu le Lac des Cygnes, l'occasion pour nous de vous parler du spectacle Swan Lake, spectacle européen, qui revisite le mythique Lac des Cygnes dans une création chorégraphique de Freddy Krinman, qui est au Casino de Paris jusqu'au 27 octobre. Nous parlons de Tchaïkovski cet après-midi dans Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Alain Duo, écrivain, musicologue, animateur de télévision et de radio, directeur artistique de Viva l'Opéra dans les cinémas UGC. Est-ce qu'on peut dire, Alain Duo, que Tchaïkovski a été un enfant précoce? Un prodige? Oui, pas énormément, parce que bien sûr, dès qu'il était enfant, il utilisait un appareil qu'il y avait dans la maison qui s'appelait un orchestrola. C'était un appareil où on tournait une manivelle et ça nasillait quelques mélodies d'opéra de l'époque, de Bellini ou de Donizetti, et il allait les jouer aussitôt au piano. Mais de là à en faire un enfant prodige, non, parce que ça n'a jamais été un pianiste prodige. Il a joué du piano très bien, il en a joué d'ailleurs dans les salons pour se faire connaître, mais sans être véritablement jamais un pianiste d'estrade. Il n'a pas donné de concert. Et ça n'a pas non plus été un compositeur prodige. Il a commencé à composer petit à petit, mais finalement avec assez de difficultés. Sa première symphonie n'a eu qu'un petit succès d'estime. Il a mis assez longtemps à être reconnu. Et finalement, on entendait un extrait du Lac des Cygnes. C'est, il faut bien le dire, avec ses ballets qu'il s'est fait reconnaître, puis avec les trois dernières symphonies, 4e, 5e, 6e. Mais la 6e, malheureusement, il n'a pas vu beaucoup. Posthume, puisque il a dirigé la première représentation qui a été un échec, et c'est après sa mort qu'Edouard Napravnik a dirigé la deuxième représentation, sans doute mieux que lui, car il n'était sans doute pas un bon chef d'orchestre, et que l'œuvre a commencé à se faire connaître. Il était connu à l'étranger aussi, il faut le dire. Était connu à l'étranger, et parfois plus qu'à l'étranger, parfois plus qu'en Russie oui. Parce que son style justement faisait un pont entre la musique occidentale, musique italienne et la musique française et la musique russe qui elle au fond est plus âpre, correspondait plus à un autre compositeur russe qui est Moussorgski. Alors justement on n'est pas chez Moussorgski mais tout de même il y a bien une influence slave très forte, très présente, c'est une musique très spécifique. Très spécifique, une musique qui est liée par ce que les Italiens appellent la morbidezza, cette espèce de sentiment un peu souple, trouble, ce sentiment au fond qui s'attache au romantisme slave. Mais on s'en rend compte dans ces opéras, car ces opéras, pour les deux plus importants, Eugène Onéguine et La Dame de Pique, sont basés sur des poèmes du grand poète romantique de l'époque, Pushkin. Pushkin, oui, qui est le père tutélaire des lettres russes. Donc ça veut dire qu'il a un lien profond à l'âme russe. Et ce lien à l'âme russe, eh bien, il trouve une identification dans les personnages qu'il aime. Le personnage Lenski, par exemple, qui va se suicider d'une certaine manière à travers ce duel qu'il a voulu en sachant qu'il va y être tué. Ça, c'est pushkinien. Hein, ouais. C'est tout à fait pushkinien. c'est la vie même de Pushkin. Mais, oui. Mais on comprend que Tchaïkovski y trouve quelque chose de sa pulsion morbide. On écoute justement Lenski, interprété par Placido Domingo. C'est un extrait de Eugène Onéguine. Thank you. мужні працю дві quelque chose de très suave. Hein. Je vous vois suivre ça avec vos mains, Alain Duo. C'est vrai que c'était... Parce que vous entendez la portée symphonique. Bien sûr, il y a la voix, magnifique voix de Placido Domingo dans cet air d'adieu, coup coda, ça veut dire adieu, adieu. Mais on entend aussi toute la force symphonique, cette souplesse, ce ruban symphonique extraordinaire qu'il porte. Hein. Exactement, parce qu'il y a dans les opéras de Tchaïkovski quelque chose de justement de symphonique. L'orchestre est un élément du décor et nous emmène justement dans ces pulsions sourdes, ces troubles, cette pulsion de mort. Alors j'ai parlé tout à l'heure des deux femmes de la vie de cet homme qui n'aimait pas les femmes. Antonina, donc ça, désastre conjugal. C'est un drame terrible. Il ne l'a évidemment jamais touché, il dit... dans une lettre à Modeste, son frère, elle ne m'inspire que de la répugnance. Et vous savez qu'il était tellement paniqué qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. Comme vous l'avez expliqué, il a voulu entrer dans les Névas pour se suicider ou pas se suicider. Parce qu'il est très malade. Il expliquait qu'il voulait avoir une pneumonie. Voilà, il était un peu trop lâche pour se suicider directement. Mais il a demandé à son frère d'envoyer un télégramme demandant à ce que Napravnik, le chef du Mariinsky, le demande d'urgence. Et son frère, donc Modeste Moussorski... Qui est souvent son complice, on va dire. Exactement. Mais il dit, quand je l'ai vu sur le quai d'hier, je ne l'ai pas reconnu. Il l'a emmené à l'hôtel, il est resté 2 jours dans le coma. Ça montre à quel point ça a été pour lui quelque chose de terrifiant. Il fallait qu'il sorte de ce qu'il considérait comme un étau ou une prison, hein, le mariage. Pour lui une horreur absolue. C'était pas le mariage, c'était la chair féminine. Il dit, sa chair ne m'inspire que de la répugnance. C'est assez terrible. Et alors, il y a l'autre femme, alors celle-là, elle est totalement, elle est lointaine, si je puis dire, elle est purement épistolaire, c'est Madame von Meck. C'est une histoire extraordinaire, parce que cette Nadezhda von Meck, elle a un lien profond avec la musique, et pas seulement avec Tchaïkovski. Il y a une histoire qui est moins connue dans la vie de Nadezhda von Meck, donc il faut rappeler que c'était une veuve, qui avait 12 enfants, et une immense fortune que lui avait léguée son mari mort, mais elle a eu un premier rapport à la musique, puisqu'elle avait une villa en France, à Arcachon, dans la ville d'Hiver. Et là, pour le plaisir d'entendre de la musique et pour donner des leçons de musique à ses enfants, elle a demandé au directeur du conservatoire de Paris, qu'elle connaissait bien, de lui trouver un jeune pianiste qui puisse agrémenter ses soirées d'hiver et servir de précepteur musical. Et le directeur, elle a dit, j'ai un jeune pianiste là, il a 17 ans, mais il pourra très bien être bon pour vous, il s'appelle Achille Claude Debussy. Et Claude Debussy a été le pianiste privé de Nadezhda von Meck, vous imaginez le rapport à la musique. Et ensuite, donc un jour, elle découvre les premières compositions de Tchaïkovski, elle les trouve formidables, et donc elle va faire un contrat avec lui, le contrat, car c'est elle qui le demande et pas lui, le contrat c'est qu'ils ne doivent se rencontrer jamais. Elle commence d'abord par lui donner quelques subsides, puis une rente régulière de 6000 roubles, plus les petits secours qu'il demandait en permanence pour agrémenter cela, et ils ne se rencontreront effectivement jamais. Et là, il y a aussi un mystère dans la vie de Tchaïkovski, le mystère de cette femme. Qu'est-ce qui était aussi fort pour elle dans la musique de cet homme, pour l'empêcher de le rencontrer, mais pour faire qu'elle lui donne autant d'argent sans avoir jamais envie de le rencontrer? Et malheureusement, tout ça se termine, toujours pour la même raison, parce qu'un jour, elle apprend son homosexualité, et du jour au lendemain, elle supprime la pension. On a l'impression qu'en fait, cette homosexualité a joué un rôle finalement beaucoup plus important que ce qu'on a pu dire. C'est quand même, je précise pour nos auditeurs, que certaines biographies actuellement encore la passent intégralement sous silence, comme si ça n'existait pas, ce qui est fou. C'est tout à fait étonnant, comme si l'homosexualité en cours aujourd'hui, pour certains biographes, était un crime, alors qu'on peut accepter des tas d'autres crimes qui sont, eux, des crimes véritables. Ça, c'est un des mystères, peut-être aussi un des mystères de la Russie, parce qu'aujourd'hui encore, il ne fait pas bon être homosexuel en Russie. Alors, Madame von Meck se détourne donc de lui. Il y a d'ailleurs une lettre tout à fait incroyable. Ils correspondent en français, il faut le dire. C'était la langue aristocratique de l'époque et la langue des gens cultivés. Hey. On a d'ailleurs de très belles lettres de Tchaïkovski, d'une écriture assez haute et assez serrée, comme ça. Il écrit un français magnifique, tout à fait comme un francophone de naissance. Parce qu'il était francophile. Eh oui, voilà. Comme Liszt. C'est une époque où on ne parlait pas d'Europe, mais on la faisait dans la culture. Mais alors on se rend compte dans cette, je ne sais pas si on peut parler d'une lettre de rupture, parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu de rupture vraiment. Voilà, c'est une lettre d'abandon. On se rend compte que Tchaïkovski parle plus de la situation financière et des problèmes que ça va lui poser au quotidien que de la liaison philosophique avec cette dame. Tchaïkovski, malheureusement, les grands hommes ne sont pas toujours des grands hommes dans leur vie privée. Et Tchaïkovski avait, à l'égard de Madame von Meck, qu'il a pourtant entretenu véritablement et qui lui a permis de composer sans avoir de soucis financiers, il avait à son égard une attitude peu aimable, puisqu'il y a quand même une lettre où il la traite de « ma vache à lait ». Donc ce qui est quand même assez méchant. Mais d'une lucidité redoutable. C'est d'une lucidité redoutable, mais quand même, je dois dire que quand j'ai lu cette lettre, j'ai trouvé ça extrêmement choquant, parce que sans Nadezhda von Meck, il n'aurait pas pu composer tout, il aurait eu la nécessité de travailler pour vivre d'une certaine manière. Dans cette émission, nous diffusons assez régulièrement, je vous avoue que c'est très pratique lorsqu'on fait des récits radiophoniques, on diffuse la valse mélancolique de Tchaïkovski. Ces accents poignants sont peut-être ce qu'on retiendra de sa musique, de toutes ses musiques reste. Hein. Vous avez parfaitement raison, parce que sa musique, elle n'est que cela, elle n'est que ce trouble, ce côté mélancolique, douloureux, ce qui hypersensible pèse, et un côté proustien, si l'on peut dire un peu. Ce côté enfant de verre qu'avait très bien décrit sa gouvernante. Il a le malheur avec lui, et quand on lit sa correspondance, il passe son temps à dire qu'il est très malheureux, qu'il va bientôt mourir. Même dès sa première symphonie, il dit « je ne vais pas terminer ma première symphonie, je vais mourir avant, le monde s'acharne contre moi, la douleur est au cœur de moi-même ». Enfin, il y a aussi chez Tchaïkovski un côté en permanence de lamentation. Oui, et la mort aura été présente en permanence. Elle fait partie vraiment de son univers. De son univers, ouais. Et on le voit d'ailleurs dans ses opéras. On parlait de la Dame de Pique, l'autre opéra qu'il a composé sur un drame de Pushkin. Au centre, c'est la mort. Parce que cette Dame de Pique, c'est la personnification de la mort. Vous l'avez interviewé, vous, Tchaïkovski, il faut le dire, Alain. Oui, ça c'était une petite chose particulière. Effectivement, je publie dans un mois un livre qui s'appelle De Bach à Ravel, 20 interviews exclusives, et j'ai utilisé des correspondances, des chroniques de l'époque, et puis j'en ai rajouté un peu moi-même, pour aller m'amuser à interviewer Tchaïkovski et quelques autres, 20 compositeurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes importantes, on les interviewe et c'est une manière moderne de découvrir des compositeurs. On va lire ça vraiment avec passion. ça sortira aux alentours du 15 novembre chez Plon. En attendant, évidemment, il faut lire votre dictionnaire amoureux de l'opéra. C'est une somme extraordinaire et grâce à vous, on a l'impression de redécouvrir toutes ces œuvres et tous ces compositeurs. Merci beaucoup, Alain Duhaut. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec une question de Lucille via le site internet d'Europe 1 qui vous demande, Franck Ferrand, quand et pourquoi la croix a-t-elle été choisie comme symbole du christianisme ? Oui, il faut d'abord bien être conscient que la croix a été un symbole bien avant l'ère chrétienne. On trouve des croix dans un certain nombre de civilisations mésopotamiennes notamment. On trouve des croix, et même en quantité, chez les Achéménides aussi. Il ne faut pas oublier que la croix est un symbole de lien, vertical et horizontal, bien entendu, avant d'être le symbole, avant d'être l'instrument de torture, bien sûr, l'instrument du supplice de Jésus. Ce supplice de la croix est d'origine perse, pour autant qu'on le sache. Il s'est répandu dans un grand nombre de peuples de l'Antiquité. C'était à l'époque la peine la plus cruelle et la plus dégradante. Et vous savez que les prêtres du Temple de Jérusalem ont tout mis en œuvre pour que Jésus soit spécifiquement crucifié. Alors, chez les Romains, le condamné devait porter la poutre horizontale de cette croix, le tripalium, jusqu'au lieu du supplice. On sait que Jésus monte jusqu'à une petite colline qui s'appelle le Golgotha, tout près de Jérusalem, qui sera cloué sur la croix et qu'il mourra sur la croix ce vendredi, le fameux vendredi saint, dans l'après-midi. Alors, très tôt, la croix devient un signe de douleur transfigurée, un signe de résurrection, un signe lumineux chez les chrétiens. On trouve des croix dès le début du deuxième siècle, notamment dans les catacombes, par exemple. Même si ça n'est pas le principal symbole chrétien, parce que pendant très longtemps, le principal symbole des chrétiens, c'était le poisson. Vous savez, quand vous prenez les lettres de Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, sauveur, Jésus Christos Theouios Soter, en grec ça fait ictus, et c'est le mot poisson. On utilisait également le berger, la colombe, la crosse de berger, etc. chez les tout premiers chrétiens. La croix ne deviendra le principal emblème et le symbole de la chrétienté qu'avec les grands conciles du 4e siècle, notamment le concile de Nicée, mais les autres, ce sont les pères de l'Église qui vont faire peu à peu de la croix le grand symbole, et ils s'appuieront pour le faire sur la célèbre vision de l'empereur Constantin, vous savez, la veille de la bataille du pont Milvius. Et par ce signe tu vaincras, le signe en question, c'était la croix. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on prend le sac à dos, on met ses grosses chaussures, on part en randonnée. C'est un phénomène de mode, un phénomène de société. Tout savoir sur la randonnée, c'est maintenant avec les experts Europe 1. Alors en rando, merci beaucoup Elena. Nous nous retrouvons demain, Céline. Avec grand plaisir Franck, à demain. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.